C'est Alastair Sin, the group from hell. Il est 20h. Vous écoutez Rive d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylval. Bonsoir Monsieur Scream, bonsoir Slasher. Bonsoir. Slasher, bonsoir. Voilà, donc on n'était pas là la semaine dernière, voilà, un problème, hein, ça peut arriver. Alors cette émission, je vais la dédier à ma maman, voilà. Ouais, dédicace à toi, mamie. Voilà, et voilà, on va s'éclater avec la musique. On est là pour vous faire rêver oui. Musicalement. On vous parlera un petit peu du Lockersfesten. Et voyager aussi. Hein. Et voyager, on va voyager un peu partout. Et le Lockersfesten, on y sera. Dimanche. Un festival pour vous. Pourquoi ? Toi, tu y vas pour qui ? Bah honnêtement, j'y vais pour Alice Cooper. Hein. Pour Furnier. Furnier, pas Fumier. Hein. Quoique, c'est le temps des fumiers. Alice Cooper, avec un nouvel album, on écoutera un extrait tout à l'heure. Hein. Alice Cooper, tu vas que pour lui, mais tu m'avais dit aussi un autre. Bah, j'ai envie de voir quand même Marilyn Manson, j'avoue. En espérant qu'il fasse un set un peu plus long qu'en Slovénie. Hein. Oui, mais ça partir avant 30 minutes. Ouais, voilà, ça n'a pas duré longtemps son set. Hein, ça dépend, à mon avis, comment il est luné, s'il n'a pas eu ses sushis qui venaient d'Anvers. Ouais, peut-être, hein, j'en sais rien, écoute. Ouais. Mon slasher ne sera pas là avec nous. Hein. Oh, sniff, ça va être calme. On n'entendra pas la mouette. Je serai avec les hippocampes du nord de la Belgique. Je serai avec les mouettes. Voilà. Voilà. Et bon. Ton animal fétiche. Et le lendemain, bah, on va accueillir aussi ici. On sera nombreux en studio. Bah. Ouh là, il y aura du people à mon avis. Ah oui. Mais toi, tu seras pas là non plus. Non, tu seras pas là pour le voir. Tu seras toujours avec tes mouettes ou tes moules kiki, comme ah disait, oui. Comme il disait quand il était petit. On sera avec Bart du ouais, Vakken. Vakken, qui ouais, reviendra du Vakken. Ah oui, il nous racontera. Normalement, il y aura Franck aussi qui viendra. Oui. Voilà. Mr. Bidou. Ouais, Mr. Bidou, j'ai appelé Mr. Bidou. Il y aura notre super Céline qui sera là aussi. Voilà. Il va y avoir du people. Il y aura du people et ce sera bien. Comme ça, on aura chaud dans le studio. Oui, et puis on va bien s'amuser. Quoi. On est toujours très bien accueillis dans le studio Rive d'Enfer. Voilà. Et après, on aura le temps de planifier, mais on aura Dagoba aussi au téléphone. Quelques temps après, et on aura après les Icarus Rising, dernier lundi du mois de... Les aléas du direct. Les aléas du direct, du mois d'août, ils viendront présenter leur EP. Ils veulent venir en primeur ici, et ça nous fait chaud patate. Ouais, c'est génial ça. Tout à fait. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien entendu, on retrouvera la Slasher Song. On retrouvera. Enfin, je te montre. On retrouvera la Slasher Song. Voilà, je suis devenu masculin d'un coup. Allez, hop. La Sylval Song. Il y aura la balade crapuleuse. Et là, on va commencer avec un groupe qu'on a eu déjà en studio. Et j'aimerais bien de les revoir. C'est le groupe Always. Ah oui, Always. Always. You're always on my mind. Non, c'est Always. C'est un groupe de la région. Hein. C'est du metal voices féminin. Mais j'aimerais bien les revoir parce qu'il y a un nouvel album et j'aimerais bien qu'ils viennent le présenter ici. Et on va s'écouter Went Giant Wake et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes OK, les amis ? Tout à fait. On va s'écouter ça et voilà. Et voilà. We'll be right back. Voilà, voilà, c'est le dernier Always, hein, avec donc When Giant Wake. C'est pas malin, hein, du tout. Ouais. En plus, ça fait bien parce que c'est quand même un groupe de la région. Et ils sont signés chez notre ami en commun qu'on a, c'est monsieur Mike de Coon. Ah, ah. Notre Mike. Super Mikey, l'homme qui court plus vite que son ombre. À fond. Alors, en revenant un petit peu au Locker's Fest, nous on espère juste une chose qui fera super bon. Même pour les 10 jours de festival, parce que bon. Ouais. C'est un super festival, ah, hein. Il y a tout en musique. Ça va du métal, techno, ainsi de suite. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jour pour chaque style. Voilà. C'est ça qui est bien. Quoi. C'est pas mélangé. Ouais. Et on remercie déjà Bruno de Locker's Festen qui, comme chaque année, si même on n'aurait pas envie de relancer nos accréditations, bah, comme il m'a dit, vous êtes les bienvenus. Et la preuve, voilà, on a reçu nos accréditations. Ouais. Eh bien, merci Bruno. Merci Bruno. Et voilà. Et donc, toi, c'est Marilyn Manson et surtout Alice Cooper. Quant à moi, ben, c'est mon groupe fétiche, Megadeth, que j'ai envie de revoir pour la énième fois, en espérant que Per Mustaine soit de bonne humeur. Parce que quand il n'est pas de bonne humeur, ça ne joue pas bien. Quand il est de bonne humeur, s'il fait un bon set, comme à chaque fois, ben, s'il fait un set merdique, vaut mieux pas le croiser après. Ben voilà, pas comme tout le monde, je pense. Oui, mais t'as des gens bon, qui se rendent encore à l'évidence, tu vois, ils se sont plantés, mais lui, il supporte pas ça. Ah, il supporte pas ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui supportent pas. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr, quoi. Alors, et après, ben, on vous parlera aussi, on avancera tout doucement vers le Rhymefest, qui arrive tout doucement. Hein. Et oui. Il reste plus que, à partir d'aujourd'hui, 1 mois et 10 jours. Oui. 1 mois et 10 jours, qu'est-ce que ça passe? Là aussi, c'est une bonne présentation de groupe. Hein. Ouais, bah, Diadi, UFO, Yann Armerillo, justement. Il y a nos amis Ed Blaster. Ed Blaster, oui. D'ailleurs, normalement, qu'on doit recevoir en studio. Normalement, oui. John Jones, si tu nous écoutes, tu peux nous envoyer un message, on s'arrangera pour goupiller ça. Voilà. Parce qu'on sait qu'il nous écoute, donc ben maintenant il est peut-être en vacances. Peut-être qu'il est parti ou autre. Hein, Voilà, il a bien raison, c'est les vacances. Tout à fait, on lui souhaite de bonnes vacances. Voilà, et s'il nous ramène un petit soleil, parce que là il se cache un petit peu chez nous hein, pour le moment. Ouais. Et voilà, et bien entendu, il y aura aussi la rentrée des classes, pour le slasher, je le regarde là. Et nous aussi, notre rentrée concert, car tout va redémarrer sur des chapeaux de roue, avec plein de concerts qu'on ne manquera pas de vous compter et aussi de vous annoncer. Ce sera une des nouveautés aussi dans Rive d'Enfer. On essaiera de tenir un agenda concert, peut-être pas toutes les semaines. T'as bobo à ton neneul ? Non, mais des fois j'ai une con. J'onctivite, non, mais des fois ça arrive. Et merci quand même de te soucier de mon cliché. De ton état de santé, oui, voilà. Donc on essaiera, comme je vous dis, d'essayer de tenir un agenda, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors, il y a ta copine, Arc Enemy, Obi Bob. Je suis désolée d'annoncer ça comme ça. C'est un peu loin. Mais ça fait loin. Ouais, c'est un peu loin, bien, voilà. Mais bon, On va attendre qu'elle passe par ici, elle viendra. Je vais appeler Spider. Peut-être qu'elle va passer sur l'île, hein, parce que de temps en temps, j'ai remarqué, avec vos solars, hop, ça passe sur l'île. Je vais demander à Spider, Spider Vigile. Spider Vigile. Ah, écoute, rien que pour le plaisir, j'attends encore au tourbus, hein, je te préviens. Rigoler à larmes, 5 minutes. Là, je crois qu'il me prendrait mon bras, je serais mal. Ah oui, c'est vrai, oui. Là, je crois que je dois en mettre deux quand même. Voilà. Alors, on va s'écouter une page musicale. Bah, on est là pour ça d'abord. Hein. On va s'écouter Lizard avec Survivor. L'album s'appelle Savage. Mais juste avant, bien la preuve qu'on fait attention aussi à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent. Et c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui nous disent « Moi, je vous écoute soit au travail ou soit le lendemain. Et malheureusement, je ne peux pas jouer au concours parce que directement, c'est des réponses en direct. » Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va différer proposer la question et va laisser sur la sur page Rive d'Enfer sur une semaine. Voilà. Éventuellement, on va aussi avoir beaucoup de réponses, faire un tirage. C'est pas mal. Hein. Comme ça, les gens qui sont au travail. Bon, bien sûr, attention, le jeu concours. Enfin, je sais pas, c'est toi qui prends la décision, mais pour nos amis d'Argentine, Mexicains qui nous écoutent aussi, parce qu'on est beaucoup écoutés en Amérique du Sud, Ils peuvent jouer. Tu en vois quand même ? J'en vois quand même. Et ben voilà. Et j'en vois, et en dédicace, j'en vois aussi mon slip. Pas usagé, non, je rigole. Non, mais ça va jouer en Argentine. Vous pouvez jouer, franchement, que vous soyez de l'autre côté de la planète. Vous jouez le jeu aussi, vous nous envoyez vos galettes. Donc, automatiquement, je vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire. Donc, ce qu'on fera, si aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, il y a un concours qui va se faire, je ne vous dirai pas dans combien de temps, mais il y a un concours qui va se faire, eh bien, on va vous donner l'email qu'on va répéter plusieurs fois. Et vous répondez par email. En email, pour vous marquez concours Rive d'Enfer, concours du nom. Ça, il faudrait que tu le mettes sur ta page. On mettra sur la page. Pour tous les gens qui parlent pas français, là, ils comprennent pas. Quoi. Ouais. Et ils ont une semaine pour répondre. Voilà. On va dire jusqu'au vendredi. Ouais. Voilà, jusqu'au vendredi. Donc, vous inquiétez pas, tout sera expliqué aussi sur la page. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tu t'en charges pour expliquer, faire le petit texte. Mais tout à voilà. fait. Tu m'envoies l'adresse mail que je ne connais pas par cœur, j'avoue. Ok. Et puis voilà, je m'en charge. Dans toutes les langues, dans tout ce que tu veux, voilà, je le mettrai en anglais et espagnol s'il faut. Voilà, espagnol et tout. Voilà, comme ça, tout le monde aura le droit de jouer. Et c'est vrai que, voilà, vous voyez qu'on fait attention à vous aussi, les amis. Allez, c'est parti avec Lizard Survivor, le titre. Et c'est, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est nouveau et c'est tout frais. Like a rooting star. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez quand même de Laser avec le titre Survivor? C'est vachement bien, c'est bien, ça bouge bien tout. Hein. C'est bien, hein, c'est ouais, canon. Ouais. Hein. Voilà, on va s'écouter en Eagle Hearts avec Until Fear Is Gone, l'album s'appelle Reverse, et après on retrouvera un petit titre que tu nous as choisi, comme ça une nouveauté. Hein. Tout à fait. Voilà, oui. Non, on retrouvera d'abord la slash chanson, je me mélange les pinceaux là aujourd'hui. Comme tu veux, slash chanson avant. On retrouvera d'abord toi alors, d'abord toi avant le slasher. Là, on va d'abord s'écouter Eagle Hearts avec Until Fear Is Gone, Reverse, c'est vraiment bien foutu aussi, et vous me direz aussi ce que vous en pensez. ben tu vois, ça, Sylvain, c'est un peu une petite surprise pour moi. Cet album, il est vraiment bien. Eagle Earth avec Until Fear Is Gone, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Te connaissant, à mon avis, c'est un bon choix aussi que tu as choisi. Hein. Oui, donc c'est nouvel album, bien sûr. Donc c'est Elegance, ouais, avec le titre Speed. Donc bien sûr, Elegance, c'est pas une nouveauté, hein, c'est une nouveauté album, je précise bien. Donc Elegance, c'est un groupe de heavy metal californien. Et ça a été des membres de Guns N' Roses, ouais, qui sont partis chez Guns N' Roses. Donc voilà, en gros, la petite histoire, quoi. Donc j'ai choisi cette nouveauté album. Donc Elegance avec le titre Speed. Ouais. Voilà. Et tu savais, moi je savais pas, c'est une fois avec le Slasher en rentrant, on avait été faire l'interview de Killer Komanski. Ouais. D'ailleurs que on va devoir recontacter parce que c'est lui qui va nous charger pour nous de rencontrer les Diédi. Et si tu veux, il avait donné un concert, je sais pas si tu connais, à mon avis oui, à la boîte Relo, la boîte à musique. Oui, bah c'était près de mon ancienne demeure à peu près, on va dire. Et ben Elegance sont venus jouer dans ce petit truc là. Bah ouais. Voilà, donc tu vois, et encore une fois, on n'était même pas au courant, quoi. C'est pas toujours bien distribué, hein, par chez nous. Non, mais enfin, voilà, ils devraient mettre un peu plus d'affiches, ou alors peut-être engager des gens pour mettre des affiches, et ça leur fera un peu plus de thunes, et les gens seraient contents. Allez, vas-y, je te laisse annoncer. Donc, Elegance, avec le titre Speed, nouveauté album. Yes. Can't see the needle, got the gas, it's now. Got the top down and the radio. Can't even what you're saying. Eh ben, franchement, c'était bien. Ouais, ça bouge bien. Ouais. Ça, ouais. Donc voilà, c'était Elegance avec le titre Speed, donc nouvel album. Ouais, et c'est vraiment Speed. Ouais, c'est Speed, hein, ça bouge bien. Ça bouge. Ouais. On va juste déjà rappeler, déjà pour le concours qu'on lancera vers 9h moins le quart, si vous êtes d'accord avec moi, l'email, on va vous le rappeler plusieurs fois. Ouais. Déjà pour les gens qui veulent jouer à partir d'aujourd'hui. Hein. Donc vas-y, comme tu as pris note, tu peux dire le mail. Hein, donc ça. Le mail, c'est rivedenfer.rqc@gmail.com. Je dis bien Rive d'Enfer avec deux F. Ouais, Rif, bah oui, et tout collé. Voilà, tout collé et en minuscule. Voilà. De toute façon, ça sera mis en texte ce soir, je vais faire ça. Voilà, c'est impeccable comme préparé, ça. J'ai préparé en français, j'ai plus qu'à le traduire en anglais, je crois que c'est bon. Ouais, l'anglais, latino, façon... il parle anglais aussi. Ouais, hein, il parle mieux que nous. Il me semble. Il parle mieux que nous. Donc voilà, on vous rappellera quand même. Hein. Et c'est vrai que comme ça, tout le monde aura la chance et la joie d'essayer de gagner. Et pas que les gens qui sont connectés. On n'a rien contre vous, les gens qui sont connectés en direct. Bien sûr. C'est vrai qu'il y en a qui sont au taf et qui ne peuvent pas. Ils peuvent écouter la musique, tant mieux d'ailleurs. Mais ils peuvent pas. Et puis pas, il y en a qui sont en vacances aussi en ce moment, c'est la période de vacances. Voilà, il y en a qui ont la chance. Voilà. Donc, très bon choix encore musicalement. Et bien, merci. Voilà. Maintenant, c'est le slasher. Tu nous as choisi quoi, slasher? Alors, j'ai choisi un excellent groupe. Je vous ai choisi un excellent groupe qui nous vient du Brésil, de Sao Paulo. Oui. Et d'ailleurs, tu vas voir un du Brésil, mais qui n'a pas du tout rapport, c'est Kiko Loureiro. Kiko Loureiro qui joue lui avec Megadeth maintenant. Oui. Donc là, c'est du trash aussi, c'est pour le tout là. C'est pour le tout là. Ah, excellent, mais je préfère quand même l'ancienne formation. Je crois que tout le monde dira oui sur ça. Hein, vu qu'avant avec Cavalera, c'était monstrueux. Mais bon, maintenant, dans les membres, vous avez Andreas Kieser, excellent guitariste. Derrick Green, Paul Ogier et Eljoy Casagrande. Mmh. Et donc, franchement, un excellent groupe qui existe depuis 1984. Et donc là, on va s'écouter le titre Refuse Resist. Donc de Sepultura, de leur album Chaos AD qui est sorti en 1993. Oui, donc avec l'ancienne formation, avec Kieser bien entendu, Paolo Gior et les deux frères Cavalera. Et oui. Voilà, c'était on va dire la bonne... Et d'ailleurs, il y aura les deux frères Cavalera qui vont venir au Lockers. Voilà. Avec et Roots. Les Roots, voilà. Ouais. Ça aussi... Non, c'est pas l'émission Radio Roots qui a lieu mercredi, mais bien Roots. Ouais. Bah, lui, il va se promener, ça c'est sûr. Hein. Lui, Cavalera, toujours. La dernière fois, il se promenait avec son fils. Voilà. Ouais. Et là, si je vois Zion, je lui remettrai ton bonjour, Slasher. Ah ben voilà. Voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Donc, c'est Sepultura avec Refuse Resist. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM. Sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We'll be right back. Voilà, donc Slasher, c'était ton choix et c'était ? Ah ouais, un excellent choix, donc Sepultura avec Refuse Resist. Voilà, donc Max Cavalera qu'on retrouvera avec son groupe Roots, oui, Roots. Au Lockers Festen dimanche. Oui. J'ai pas encore la running order d'ailleurs des groupes. Non, on sait bien que Marilyn Manson joue le dernier. Oui. Avant-dernier, ça doit être. Et Alice Cooper, il joue. Non, Alice Cooper avant Marilyn Manson. Oh. Et Megadeth avant. Je vois la tête de Valérie, elle est pas contre. Non, c'est ça, oui, c'est ça, mais on n'a pas le running. C'est qui la tête d'affiche parce que c'est Marilyn Manson. Marilyn Manson. Avant-dernier, Alice Cooper. Avant-dernier, puis Megadeth. Ouais. Enfin, on descend. Ouais. Quoi. Marilyn Manson, Alice. Megadeth. Et Apocalyptica. Apocalyptica. Là, je crois que j'irai manger. C'est des reprises de Metallica qui font malheureusement. Et puis même, déçus de leur prestation Hellfest. Et après, c'est Roots, donc Cavalera, qui va se promener un peu partout, on verra. Et comme je disais, son Vasayon, on lui remettra le bonjour du Slasher. Et oui. Donc, un bon petit festival. Il y a aussi The Amity Affliction, quand on avait fait une interview l'année dernière au Hellfest. L'année dernière. Et plein d'autres groupes. Alors, on poursuit. Justement, tu parles de Monsieur Cooper, Alice Cooper, Monsieur Furnier. Quand on dit d'origine française, oui, il est français, mais il a toujours habité aux États-Unis. Je crois qu'il ne sait pratiquement pas parler français. Bah écoute, je crois que c'est l'inverse. Je m'excuse. Tu crois qu'il a habité en France puis qu'il non, s'est exilé ? Non, il parle bien français. Il parle bien français. Je sais pas, parce que là j'ai écouté, il a donné une interview à Télérama, donc c'est belge, mais pas du tout. Peut-être il estime peut-être que pour lui c'est pas assez français. Je crois qu'il se débrouille en français. Je vais peut-être pas te dire qu'il parle super bien, mais il me semble qu'il parle bien français. Ouais. Enfin. Sûr et certain, il est français. Voilà. Il a habité à un moment donné du côté de la New Orleans, donc Nouvelle-Orléans. Après, c'est mon avis maintenant, il doit avoir une superbe maison. Il s'est bien remis un peu de toutes ces conneries. Et ça, il a bien dit d'ailleurs, c'est ça qui l'a sauvé de toutes ces conneries. Le dernier album, on aime ou on n'aime pas, il revient aux années 70. Ah oui, l'époque de Welcome to My Nightmare. Voilà, c'est ça, Welcome to My Nightmare 1. Ouais. Et puis après, il avait fait, si tu te souviens, Welcome to My Nightmare 2 en 2013 ou 2014, qui était fort heavy. Mais là, il a repris tous des membres de 1970 qui se sont mis avec eux pour composer. Même, hein. Ouais, mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la batterie, et là, les gens ne le savent pas, c'est le batteur de U2. Et oui. Ah ouais. Il a travaillé avec Alice et Alice disait c'est pas lui qui me l'a dit, hein, je lisais dans une interview. Il m'a téléphoné mais il est con, c'est lui d'enfer de Moucron. Voilà, je dois vous informer de plein de choses. Non, je lisais une interview et il disait que le batteur de U2 a une particularité, il demande de voir les paroles et il compose ses sessions batterie sur les paroles. D'accord. C'est assez bizarre. Au film peut-être. Ouais, c'est assez zarbi. Hein. Ce qu'il ressent. Et ça a attiré, il a pris beaucoup de monde avec lui. Et moi, la chanson que j'apprécie vraiment sur cet album, c'est un duo. C'est avec monsieur Bill Gibbon. Bill Gibbon, qui, si je te dis, un long barbu. Qui est venu en concert. Le ZZ Top. Voilà. Et tu vas dire. Directement, j'ai un chat dans la gorge, autant pour moi. Oui, elle est au menton. On se comprend, là. On se comprend tout à fait. Vaut mieux qu'elle soit le menton que le bout de la langue. Enfin, non, je rigole. Et moi, j'aime vraiment bien cette chanson-là, parce que j'ai très dur à me plonger dans cet album qui sonne très années 70. Très, très années 70. Ah, moi, je les albums depuis les années 70 d'Alice Cooper, vu que moi, je suis hyper fan. Ouais, t'es très fan. À part le dernier album, je ne l'ai pas. Oui, mais si tu veux... Mais ah ouais, c'est espèce. Hein. Ah oui, mais là, si tu veux, c'est... On a toujours les atmosphères un peu clavier, tu vois, un peu qui fait film d'horreur. Tu sais, j'ai même les concerts. Ah, t'es très fan, alors. Alors là, tu le vois, on dit à la bête, tu sais, du Mopep Show, là, qui arrive. Ça a plein de poils, tu vois, qui se fait attaquer par ça. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec... bien sûr, il y a eu des progrès avec le décor actuel, quoi. Ouais. Mais bon, le progrès n'arrête pas. Hein. Mais moi, si tu veux, j'aime bien Alice Cooper, mais moi, je préfère la période, tu vois, Poison et tout ça. Là, Heavy, où il y a beaucoup de guitare. Stupid, tout ça. Voilà. Mm-hmm. Et là, si tu veux, j'ai écouté l'album en long et en large. Et franchement, cette chanson-là, elle m'a vraiment attiré. Et je vais te faire écouter celle-là. Ça s'appelle le Forlorn in Love. Et après, on en discutera et on parlera un peu de sa prestation parce que. même là, moi qui espérais voir la guitariste de Michael, Orianti, elle fait même plus partie du groupe. Ah. Sniff. J'ai entendu voilà, ça, il y a beaucoup de gens qui sont... Qui partent, qui reviennent. Et puis qui sont déçus qu'elle n'est pas là, quoi. J'ai entendu, ouais. Ouais, Orianti. Mais moi, j'aurais bien voulu la voir, parce que c'est l'avantage qu'on a un peu au Locker Sofestel, on peut... pas les grosses pointures, enfin quand je dis des grosses pointures, Marilyn Manson, il ne faut pas arriver, on ne le verra pas, on ne le croisera pas, mais... Il va vouloir avoir sa chambre à 18 degrés. On peut croiser beaucoup d'artistes et pouvoir discuter avec eux. Et Quand on peut discuter avec eux, parce que la sécurité est très très difficile, ouais. C'est le seul reproche. Tout à fait. Mais bon, je crois qu'avec la conjoncture actuelle, c'est peut-être ça. Surtout pour, pour lui, comme tu as eu l'occasion. De toute façon, il reviendra à Danes et là, on essaiera de caler ça. Oui, en décembre. Mais il reviendra encore une fois. Le 2 décembre, il me semble. Ouais, oui. Mais il reviendra encore une fois sans Orianti. Sans Orianti, malheureusement. Alors, on va s'écouter Falling in Love, donc d'Alice Cooper. Moi, j'apprécie cette chanson. Voilà. Alors. Bah écoute, c'est génial, hein. Là ouais. Je me suis éclatée. Voilà, elle s'est éclatée les rotules. Ouais, voilà, mais bon, si tu dis que tout l'album n'est pas pareil, moi malheureusement, j'ai pas pu l'écouter. C'est beaucoup années 70, donc voilà. Donc, oui, c'est 17. C'est carrément totalement différent. C'est carrément différent. Que là, ça bouge bien tout. Ouais. Que. À mon avis, on va avoir droit au classique. Hein. Il va peut-être nous faire un ou deux titres de son dernier album. Et le reste, à mon avis, il ne peut pas passer à côté de He's Stupid, Poison. Moi, j'aimerais bien sincèrement, dans les années 70, j'aimerais bien qu'ils refassent la chanson I Don't Know the See Me Now, une très belle balade que j'affectionne, mais à mon avis, il ne la fera pas. Quoi. Bon, il va sûrement guillotiner toujours Britney Spears, je sais pas. On ne sait pas s'il va avoir la scène, parce que comme il passe avant Manson, est-ce qu'il aura le temps de mettre tout son attirail? Il avait fait pour le Hellfest, en tout cas. Ouais, moi, j'ai toujours vu avec son attirail, hein, je vais te dire honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'espère que ce sera pareil pour nous. Moi, je l'ai vu pendre. Je l'ai vu guillotiner, enfin je l'ai vu les coutures, moi. Tu l'as vu toutes les coutures, quoi. Ah, voilà. Voilà. Par contre, cette chanson, il y a une petite anecdote, c'est qu'il voulait absolument avoir Billy Gibbons sur son album. Et il avait demandé, mais Bill Gibbons a dit tout simplement, écoute, je peux pas venir, je suis enrhumé, je suis malade, mais envoie-moi des trucs et je te ferai quelque chose. Et la chanson, Bill Gibbons, un jour après, lui a retourné la structure guitare et la chanson est faite comme ça. Ouais, c'est génial, hein. Bah, c'est des pros. C'est Internet aussi maintenant. Ah, aussi, hein. Bon, c'est deux grandes pointures, Alice Cooper et ZZ Top. Hein. On peut pas passer à côté de ça. Mm-hmm. Ça aussi, ça fera mal le jour où il y en a un qui cassera la pipe ou quoi. Ça fera très mal. Bah, ouais, parce qu'ils sont plus tout jeunes non plus. Hein. Chez ZZ Top, ils ont bien quel âge? Une soixantaine d'années. Hein. Plus, à mon avis, plus. Largement, depuis le temps. Et bouge pas tellement, moi, je trouve, physiquement, en plus. Même, par contre, Cooper, il a quand même pris un petit coup de vieux, quand même. Hein. Mais bon. Un petit peu, mais bon. On rajeunit plus non plus. Ouais, hein. Voilà, mais enfin, il bouge encore bien. Ah ouais, il a quand même plus de 60 balais, je crois. 70 balais, lui, Cooper. Il me semble. Ouais. Enfin, on verra bien, nous, comment on sera à cet âge-là. Et ben voilà, j'espère que ça t'aura fait plaisir. Le prochain, par contre, c'était Incertain. Non, c'est le groupe qui s'appelle Incertain. Avec Bring Back the Anarchy. C'est plutôt du trash. Mm. Et ils demandent généralement que les rats restent in palace. Right, it's a palace. Palace, c'est vraiment bien, bien foutu aussi. Ça déboîte pas mal de derrière les fagots. Voilà, c'est pas mal du tout, hein. C'est, ça bouge bien hein, quand même. Tout à fait. C'est incertain. C'est... On est incertain ouais, des fois voilà. De passer un morceau. C'était Bringing Back the Anarchy, Anarchy, si vous préférez. Moi, j'aime bien. Des fois, oui, c'est pas mal, ça bouge bien aussi, ça, ça change. Voilà. On rappelle encore une fois, comme ça, vous ne tomberez pas des nues. L'adresse mail, peut-être, les loulous, on va le rappeler. Hein. Oui, alors c'est... Oui, tout à fait. Riffs d'enfer, donc en tout, en petit, en minuscule. Mmh. Et riffsdenfer.rqc@gmail.com. Voilà. Donc, allez, on lancera le concours juste avant la balade crapuleuse. On va s'écouter un titre avant de retrouver encore un de tes choix. Mm-hmm. On va s'écouter Expander avec Airtype 2 Civilization. Mm-hmm. C'est ouh là là, décidément. De Headless Computer. C'est vraiment bien foutu. Et après, on retrouvera un de tes titres. D'accord. Et après, ce sera l'heure de la balade crapuleuse. Waouh, il m'a pété les tapons. Oui. Expander avec Airtype 2. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi? C'est à moi. Ouais, ouais, c'est à moi. C'est mon truc, c'est ma part. C'est, voilà. C'est ma part du gâteau. Donc, moi j'ai choisi en nouveauté Howling Giant. Donc, c'est un groupe qui vient des États-Unis, Nashville. Donc, rock. Mmh. Avec le titre The Pioneer. Waouh. Nashville, il faudrait une fois que j'aille voir Nashville Pussy, tiens, en parlant de ça. J'ai jamais vu, moi, Nashville Pussy, le groupe. Ah, c'est pas des très grands... c'était des très grands amis à l'ami. Ouais, les c'est très vrai. Grands amis à qui? À l'ami. Ah, pardon. J'avais pas compris ça. Mais du elle tout. Vient souvent par ici, mais c'est toujours du côté de Dunkerque qu'elle vient. Oh, ils sont chiants, quand même. Ah, allez, je te laisse. Venez ici. Bah, écoute, je sais pas si c'était pas les crucifix de Barbara qui venaient du côté de Dunkerque. Aussi. Mais eux, c'est fini. Ouais. Ouais, malheureusement. C'est con. Hein. C'est con parce qu'elles étaient super sympas et super jolies en plus. Ah, bah, c'est pour ça que tu elles avaient tout voir. Pour elles. Mais ouais, mais enfin, bon, que veux-tu? C'est comme ça. Elles vont-elles reformer chacune quelque chose de leur côté? Il y aura peut-être, à la place d'avoir un groupe de jolies filles, il y en aura peut-être quatre de jolies filles. Donc ça ferait quatre groupes. Ouais, bon, ils passeront bien un jour, hein, Nashville. Ouais, on verra bien. Mais là, ouais, par contre, allez, vous êtes annoncé? Ouais, alors c'est All In Giant avec le titre The Pioneer. C'est parti. We'll be right back. Voilà, c'est ton, quoi ton titre alors hein? Alors, c'était le groupe Howling Giants avec le titre The Pioneer. C'est un peu du stoner ouais, aussi. Hein. Stoner calme et bien. Ouais. Bien j'avais l'impression d'être dans un désert, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était bien. Alors, on vous l'avait promis, hein, le concours avant la balade crapuleuse. Le concours. Non, je ne me mettrai pas tout nu. C'était ça le bilan. Alors, on rappelle juste les règles. On a un peu changé parce que, bon, c'est vrai qu'on ne veut pas défavoriser les personnes qui sont au travail, qui ne peuvent pas écouter le soir parce que soit madame ne veut pas ou monsieur ne veut pas, ou tout simplement parce qu'ils sont au restaurant. Avec, aussi. Voilà. Donc, vous avez jusque vendredi pour répondre, mais par mail maintenant. Donc, toutes les questions seront triées par mail. Donc, ça ne sert à rien de répondre maintenant. On ne les prendra pas. Il suffira d'envoyer le mail. On va gérer tout ça. Donc, on va encore vous rappeler le mail d'abord. L'email, c'est... Alors, c'est rivesdenfer.rqc@gmail.com. Voilà. Pas Gmail. Non, non, Gmail. Non, ça, Gmail, c'est il y a 2 ans à l'Alcatraz. Donc, Rive d'Enfer, n'oubliez pas, si vous mettez un F, ça n'arrivera jamais. Si vous en mettez 3, ça n'arrivera jamais. Si vous en mettez 2, ça arrivera. Ça va aller, ça arrivera. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on remercie encore une fois Tonton Roger. Parce que, sans lui demander, il nous fait des petites surprises et c'est super sympa. On a des singles à vous faire gagner de Nickelback. Exactement. Oui, Nickelback. Voilà, Val va peut-être le montrer à la caméra, hein, celle-là, ou là ou l'autre, là en l'air. Là en l'air, comme ça. Là en l'air, il voit en direct, oui, voilà. Comme ça. Voilà, le slasher, il montre. Il s'est fait mal, je sais pas où, mais enfin. Le single, il s'appelle comment ? Le single s'appelle Song on Fire. Song on Fire. J'ai même pas vu, mais il y avait une caméra là-bas. Bonsoir tout le monde, je découvre aussi. Alors. Décidément, et c'est simple. Donc voilà, vous répondez par mail, on dit bien par mail, rivesdenfer.rqc@gmail.com. La question est très simple. Pour quelle bande originale de film Nickelback a participé ? Vous envoyez votre email avec bien entendu votre adresse et votre nom. Et votre fatalement si t'envoies ton adresse. Et automatiquement, si vous êtes beaucoup, on triera, on fera un tri et on fera un tirage au sort. Voilà. Voilà. Donc, on vous répétera la question aux alentours de 21h30. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Oui. Allez, on va s'écouter la balade crapuleuse. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai dédié cette émission à ma maman. Oui, à toi. On va s'écouter Scorpion avec Send Me an Angel. Just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Just Voilà, voilà, voilà, c'était la balade crapuleuse, oui. Hein, aujourd'hui, Scorpion, avec Saint Me Angel. Alors, il est temps de se réveiller, hein, voilà, le concours est parti, hein, donc j'espère que vous avez... Oui, je suis en train de mettre sur la page. Oui. Voilà. On va s'écouter, nous, on a eu l'occasion d'écouter cet album il y a bien 2 mois maintenant, hein, non, il y a 1 mois, pardon. C'est le nouvel album qui s'appelle Zero Day de Prong. Ah oui, on l'avait écouté au Hellfest du dimanche. Du dimanche, voilà. Et on va s'écouter Ho River, In May End. Nouvel album de Prong qui est monstrueux. Voilà, c'est parti. Oh, state of mind. We don't. Eh bien, franchement, très bon. Hein. Excellent, très, très bon. Hein. Avec River in My Hand. On avait en plus fait une très, très bonne conférence de presse avec des gens super, super charmants. Oui, qui ont pris le temps de signer les autographes, parler. Parler et tout. Et vraiment prendre le temps avec leurs fans, c'est, pour moi, c'est important. C'est important. C'est très important. Un peu comme Steel Panther a fait avec nous. Quoi. Ils ont fait un mini show pour les gens et c'est vraiment important. Ils sont pas venus pour dire on est là, posez-moi vos questions, posez-nous nos questions et puis barrez-vous, c'est tout. Quoi. Franchement, et ça c'est important. On reconnaît et ils sont reconnaissants de leur public et ça je trouve ça génial. Oui. Donc c'était Prong qui vont commencer à tourner avec la promotion de l'album. Oui. Un groupe à voir aussi. Ça bouge très bien. En parlant de ça aussi, il y a une personne qui va venir en studio la semaine prochaine, Bart du Elzine. Il sera accompagné de notre ami Vaken, normalement de Céline et de... Notre ami Franck. Bidou Bidou, Franck. Voilà, t'as ton surnom, Franck, tant pis pour toi. Bidou Bidou, tiens. C'est bien, c'est gentil. T'as remarqué, je donne des surnoms à tout le monde. Moi, vous pouvez m'en donner, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en plus, c'est des surnoms gentils, généralement, comme Guigui la Saumure. Et plein d'autres que c'est moi. Bah, on lui a déjà trouvé un surnom, mais on va pas lui dire. Ouais. Voilà. Mais voilà, ou comme Gagoui par exemple, ou quoi, c'est des surnoms gentils quand même. Et voilà, donc ils viendront nous parler du Elzine. Donc c'est un fanzine réalisé par des fans qui est entièrement gratuit, qu'on se le dise, hein, pour les gens dans les magasins ou quoi. Et ils viendront vous parler du 10e numéro, je crois. C'est le 10e qui sort. Oui, il me semble. Voilà. En couverture, c'est Alice Cooper en plus. C'est ça. Oh, Alice. Et en plus, on pourra en parler parce qu'on se voit le jour avant au Lockersfesten. Donc, c'est bien. Il y aura du monde ici. Voilà. Donc, toi, tu vas tout rater, Slasher. On s'en fout. Je m'en fous, moi je suis en vacances, je joue aux pièces. Tu nous ramèneras des coquillages où on n'entend pas le bruit de la mer. Coquillages, crustacés. Voilà. Moi tu peux me ramener des moules. Toujours pour les moules. Hein. Voilà, les moules, Guigui. Allez, on va s'écouter. Alors là, c'est Crafteon. C'est un peu plus agressif, mais bien foutu. Avec What the Moon Bring. L'album s'appelle Cosmic Reawakening. C'est vraiment bien. Moi j'adore l'artwork de cet album qui est vraiment bien foutu. Moi, je vais pas passer je sais pas. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est moi qui. Voilà. Crafteon, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous êtes bien branchés avec Sylval et le Slasher. Vous êtes sur. Et oui, c'est bien nous. C'est oui, nous, c'est bien nous, nous. Et vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. 95 FM, voilà. Bah justement, comme au 95 FM, bah, allez, on va arrêter ça peut-être. Et moi, j'aime bien le Suisse. Moi, j'appelle ça le Suisse, c'est Sully. Hi, Zully John Roth, you're listening to Rive d'Enfer at 95 FM. We'll be right back. Ben, c'était Craftéon avec le titre What the Moon Being Brined, pardon. Voilà. Alors, il est l'heure de retrouver la Sylvelle Song. Et oui. Et, bah, et tu as choisi quoi? J'ai repris un petit Lindemann. J'avais envie comme ça, quoi. Alors, c'est avec. C'est l'album qui chante avec le chanteur de peine. Oui. Écoute, j'ai choisi le titre Lady Boy. Bon, écoute, c'est un pur hasard. Franchement, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Ouais, franchement, je savais pas quoi mettre. Je me suis dit, oh, bah tiens, un petit Lindemann ce soir, ça, voilà, va, ça va être sympa. Écoute, je suis à court de CD en ce moment. Va falloir que j'aille faire mon plein. Le plein. Il y en a qui font le plein d'essence. Valérie Sylvain, elle fait le plein de CD. Voilà. Voilà. Lindemann, d'ailleurs, petite anecdote pour moi, hein, pour Lindemann, c'est ce qui nous a tenu éveillés sur la route du retour du Hellfest. Bah, c'est peut-être ça, écoute, que j'ai pris ça comme on en a parlé jeudi dernier, c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai dit, bah tiens, un petit Lindemann et hop. Ça m'a réveillé Scream. Ça m'a réveillé Scream. Voilà. Bah, je vais te laisser l'annoncer, alors. Donc, Lindemann avec l'album avec le chanteur de peine, donc j'ai choisi Lady Boy. C'est parti. Et oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvale Song. Black lips, Et oui, donc c'était Massive Allsong avec Lindemann, le titre Lady Boys. Voilà, c'est un bon choix, même ouais, si ça m'a tenu. Ça m'a rappelé des souvenirs. Tu moi, vois. J'aime bien cet album. Tu vois, du signe ne dort pas. Tu peux pas t'endormir. Ouais, Lady Boys. Moi, je trouve que c'est sympa l'album. Moi, j'aime bien, c'est l'illustration. Le slasher à le collector, tu vois, ouais. Que je lui avais offert pour son anniversaire. Il est spécial quand même. Ouais, bon. C'est parce qu'il est quand même un enfant, oui, il faut dire la vérité, assez éveillé, mais c'est vrai que les illustrations, c'est pas donné à... Espèce. Sont très espèces. Mais je trouve que c'est super bien fait. Je trouve que c'est... Moi, j'aime bien ce genre de choses. Mais un bon choix aussi. Ouais. Je fais un petit coucou à Agnès qui nous écoute et qui vient de nous dire... super le travail que vous avez fait sur le Hellfest, parce que j'ai oublié de dire aussi, on est en train de créer... Un site internet. Donc je suis en train de tout doucement amener les photos, amener les trucs, mais tout n'est pas encore mis. Donc voilà, donc Agnès, tu peux y retourner demain, il y aura encore des nouvelles choses qui seront mises. Voilà, et même les autres, hein, vous êtes les bienvenus. Ah oui, c'est ça. Everybody. Et donc c'est www.rivedenfer.com. Voilà, rivedenfer.com, et vous tombez sur le site, tout simplement. Voilà. Le prochain titre qu'on va s'écouter, justement avec le slasher, on est un peu fan de, tu vois, de zombies. On parle un petit peu de Walking Dead. Ouais, bah tiens. Et je suis trop pressé. Non, mais il faut jamais être trop pressé. Qui va doucement va sûrement. Et là, on a reçu un album qui s'appelle, le groupe s'appelle National Suicide. Et le titre que j'ai choisi, c'est tout ça. L'album s'appelle Massacre Elite. Ouh là là. Et le titre que j'ai choisi, c'est I'm Not a Zombie. Donc voilà, il ne veut pas être un zombie. Il n'est pas encore un zombie pour le moment. Ah. Anymore. Et on va s'écouter ce titre et on se retrouve tout de suite après. D'accord ? Ok. Ok. J'aime bien un trash comme ça. Franchement, j'aime bien un trash bien comme ça. C'était les National Suicide. Vous pouvez retrouver la pochette sur l'album. Bien entendu, sur la page Rive d'Enfer. C'était tout simplement I'm Not. Peut-être qu'un jour on fera un album, j'espère pas. Ah, bah oui, hein, pourquoi pas. Rive d'Enfer, un album. Ouais, voilà. Rive d'Enfer. Un album. Alors, je pense que ça sera comme ça. Je sais ça pas. Ça sera plutôt. Trash. Alors, si on fait un, album Rive d'Enfer, je trouve qu'on devrait faire quand on s'engueule, tu sais, pour avoir vraiment de la bonne puissance. Ouais. Voilà. Alors, le prochain titre qu'on va s'écouter, mais juste avant, on vous rappelle la question qui est toute conne, qui est toute simple. Allez, je vous laisse la poser, peut-être. D'accord. Hein nous regardons tous avec des yeux. Nickelback a fait la BO de quel film ? Voilà. Dans quel BO Nickelback participe ? Vous envoyez les réponses tout simplement à... Attends. On suit bien rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà. Et on fera... Donc, vous avez jusque vendredi. Hein. Vendredi, donc, ça va vous J'ai mis toute la semaine, moi. Ouais, toute la semaine, voilà, jusque vendredi. Et... Parce qu'après, il faut réceptionner les mails, regarder. Et quand vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça nous fait super, super plaisir... Ben voilà, c'est... Et vous pouvez jouer si même vous vous retrouvez dans le trou du cul du monde, en Islande ou n'importe où. Au Zimbabwe. Au Zimbabwe ou quoi, vous pouvez jouer, les amis. Dans une montagne perdue du Mexique. Oui, pourquoi pas. Et si vous êtes même seul, j'irai vous apporter moi-même votre cadeau. Non, je rigole, mais voilà, vous pouvez jouer, vous êtes invité. Qui nous invite dans votre maison ? Non, vous êtes invité à jouer de n'importe où, vous n'êtes pas obligé de jouer pour la Belgique. Non, il n'en boit pas. Préparez le chocolat chaud. Chocolat chaud ou chocolat froid. C'est pour moi. Ou chocolat froid. Voilà. Non, mais on dit bien, même Sylvain, on vous l'a dit, on vous le répète, vous pouvez jouer n'importe où, de n'importe quelle contrée. Sauf peut-être de la Corée. Parce que je crois qu'il n'y arrivera jamais, le colis. Allez, on va s'écouter. Alors là, c'est spécial. Moi, j'aime bien. C'est un peu dur de trier sur cet album. Oui. Le groupe s'appelle Ruskaya. C'est un peu de... musique un peu du Balkan et tout ça. Donc, c'est un peu bizarre comme musique. Mais j'ai quand même choisi un titre pour vous jouer. Ça s'appelle Alive. Voilà. Et alors, l'album... Excusez-moi, c'est Cosmopoliturbo, donc il ne faut pas être trop pété. Cosmopoliturbo, s'il vous plaît. Et c'est un peu spécial, c'est vraiment un peu comme un peu à l'Airstorm ou quoi, c'est vraiment pour faire la fête. Mais bon, ils ont du talent quand même de faire des choses comme ça, on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Voilà. Pas d'enfoirement, vous êtes bien sur l'émission Rive d'Enfer. Rabbi Jacob y va danser. C'est en l'honneur de Louis de Funès, c'était son anniversaire aujourd'hui, donc voilà. C'était son hommage, voilà. Et voilà, ouais. Rabbi Jacob disponible dans tous les labels. Voilà, donc c'était le groupe Rouskaya avec Alive. Alors oui Agnès, je sais que t'as dur à suivre, mais si vous avez pu regarder la vidéo, c'est ça le petit charme aussi, c'est que vous avez vu le slasher un peu s'épanouir en dansant, il ne manquait plus que le schmoll. Valérie aussi avec sa petite danse. Voilà. Mais bon, ça nous avait pensé à la danse de Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Bah quand vous pensez les amis, quand on va à une soirée, quand on allait enfin des soirées des balles ou quoi, on avait droit à nos farandoles et tout ça. Ouais, la chenille pas, Et ben maintenant c'est pas la chanson de Ultra Vomit la chenille, non. Mais nous c'est l'histoire de faire la fête quand on est à un concert. Oui, il y en a bien qui font la fête sur In Extremo où je vois vraiment pas la peine de faire la fête sur In Extremo. Je préfère faire une fête sur ces trucs comme ça ou des Alestom ou quoi où c'est vraiment festif quoi, voilà. Mais bon, maintenant chacun les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais bon, voilà. Il y a des groupes un petit peu pirates aussi. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien. C'est sympa aussi ça. Là, le prochain. Bon. Il a transpiré. Il fait couler ses morphes. Non, ectomorphes, on va s'écouter ectomorphes. Ça y est, c'est déjà parti. Avec le coup là de Tourisas, Valérie qui dit Tourista, Ultra Vomit et Exonomorph là. Et bien là, on va s'écouter ectomorphes avec l'album s'appelle Warpath. C'est un album live and the life and the road. Et on va s'écouter A Bosch in the Night. Voilà, c'est ectomorphes. C'est parti. We'll be right back. Voilà, voilà, voilou, c'était Ectomorph avec A Bush in the Night. Et voilà, c'est vrai que, comme Agnès nous disait, ça faisait un peu penser de la musique avant. Donc, Rouskaya a leur grand orchestre du Splendide. Bah, si oui. Vous voulez, les amis, on peut faire un vote. Hein. Si vous en voulez un toutes les semaines, on vous en mettra un, il n'y a pas de problème. J'ai leurs deux albums. Comme ça, vous avez les talents de danseur de Valérie Sey. Valérie et de Slasher, hein, parce que bon, voilà, moi, vous dansez, les amis, vous assumez jusqu'au bout. Alors, le prochain, ben, Shaman Harvest, ça, encore une fois, c'est la galette. Ben, je suis con, moi, je le montre à l'écran, c'est plutôt que je dois faire ça. C'est la galette que Tonton Roger nous a envoyée. J'aime bien la chopette. L'artwork, il est pas mal, c'est un genre de loup. C'est une hyène. Nienne, voilà, une hyène, ouais. Et c'est spécial aussi. Il connaît bien dans les animaux, lui. C'est spécial comme musique aussi. Et là, l'album s'appelle Red and Black Dead. Et on va s'écouter Broken One. C'est bien, bien, bien. Et voilà, allez-y, rigolez de ma gueule, y a pas de problème. Mais non, c'est pas ça, mais c'est l'histoire de la hyène. Ouais, la hyène. C'est, en plus, c'est un animal. C'est nous. C'est, non, non. Elle connaît Bias quand même. Bias, c'est vraiment bien typique belge. Alors, et après, justement, on vous rappellera encore une fois la question, peut-être, pour le concours avec l'email et tout ça. Donc, on va s'écouter Shaman Harvest avec le titre Broken One. Et on se retrouve juste après. Yeah. bonne lignée de basse quand même, hein. Ouais. Shaman Harvest avec donc Man Harvest Broken One. Voilà, oh là. Avec la pochette du loup. Avec la pochette du loup Yen. De loup Yen. Alors je tiens aussi à dire, enfin un petit coucou aussi à tout le monde qui nous écoute. Tous nos même... auditrices et auditeurs. Ouais. Et voilà. Amélie, si tu fais un barbecue, bah nous on veut bien venir écouter notre musique quand tu passes quand notre on fait musique. Des brochettes, Quand tu fais des brochettes, on aime bien les brochettes ou les merguez. Voilà, j'aime bien les merguez, moi. On bien peut... même la rapporter. Si elle voilà. On, donc c'est pour faire un petit coucou à Amélie qui nous écoute, qui nous a déjà croisé plusieurs fois, mais je vois pas qui c'est assez marrant. Voilà. Nous avons des inconnus. Nous avons des voilà. Alors le prochain, tu vas nous jouer quoi? Alors, nouvel album de Mr. Big. Eh oui, il est arrivé. Eh oui, et je le sens bien au Hellfest cette année. Bah, tu sais qu'ils sont déjà à Paris, hein. J'ai mis l'affiche au Slasher aussi. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est Paris. Hein. Mais bon, c'est vrai. On le sent bien, là. On le sent très bien au Hellfest. Ouais, bah, pour Paris, t'as le système de bus. Ouais. En plus, que des gens qui s'occupent du Hellfest, Olivier, etc. Peut-être. Je verrais peut-être bien, comme c'est une petite salle, je verrais peut-être bien peut-être un petit crochet par chez nous. Sinon, il y a le système des bus. Si tu veux, je peux regarder les horaires. Hein. Non, c'est pas cher. Avec non, j'attends qu'ils viennent ici. Ouais. Bon, de toute façon, je le sens bien au Hellfest. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais... Bah, déjà qu'il y a des gens qui travaillent dans la maison 10, donc coucou Olivier, coucou Tonton Ranger, ils travaillent pour le Storbig, donc ouais. Voilà. Je sens bien où elle fait. C'est presque sûr. Quoi. Voilà. Alors, c'est quel titre? Alors, c'est Men to Me. Voilà. Pardon, je vais dire pas ça du tout. Si moi aussi, je bafouille. Et moi, j'adore la pochette. J'adore la pochette. Voir un éléphant qui fait de l'équilibre sur sa trompe. Ouais. Je vais essayer. Voilà. Faire de l'équilibre sur ta trompe. Non, ah, ça va. Bah, vaut mieux rigoler, les amis. Hein, voilà. Plus on est de fou, mieux c'est. Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait. Allez, je te laisse l'annoncer. Alors, Mr. Big avec Men to Me. C'est parti. She thought it was funny to break everybody's heart in two. I really thought that I might change away. Love felt so hard for a couple of days. Baby, here's what I say. I set the sinners free. That's what you mean to me. Give up a chance to be. That's what you mean to me, mean to me. I thought she listened, staring back with those big blue eyes. Hey, something was missing as she looked away. Set the sinners free. That's what you mean to me. Alright. Give up a chance to be. That's what you mean to me. Mean to me. We could jam, we could jam, we could jam all night. We could play our troubles away. We could pass it around. We could dig that sound. She could dance all night, making out at every bottom of me. Such a bitter pill, but I love that still. And all I can remember, won't you free my mind? Yeah, we'll be right back. to be. That's what you mean to me, mean to me. Alors, oui, c'était nouvel la album claque. De Mr. Big. Ouais. Et que le titre mène To Me. Mmh. Donc, on espère les voir incessamment sous peu. Beaucoup de nouvel albums. Hein, fin ouais. d'année qui arrive. Ouais, fin ouais. d'année milieu. Mmh, ouais, ouais, ouais. Il y en a encore qui doivent arriver. Comme là, le prochain qu'on va passer, c'est Quiet Riot. Hein. Donc, ouais. l'album, il va arriver aussi. Et là, on va s'écouter Ken Genenoff. Mais moi, je vais vous dire une connerie. C'est vrai qu'il vaut mieux que l'éléphant fasse de l'équilibre sur sa trompe que d'essayer de jouer de la guitare. Parce que ce ne seraient pas des solos comme on vient de les entendre. Bah, je ne sais pas, écoute. Parce que j'en connais qui ont des sacrés faluches et qui jouent bien de la gratte. Ouais, ouais, j'en connais aussi. J'en connais un, surtout. Ouais, moi, il m'a serré la main, j'étais vraiment impressionné quand même. Bah, il n'a plus que serré que ma main, parce qu'après, j'ai dû dégager. Oui, voilà. Voilà, bon, ça me rappelle déjà 2 ans en arrière, ça. Ouais. Ouais, bon, j'espère que ce sera mieux cette année-ci, parce que là, je crois que je piquerai ma crise. C'est pas normal. Alors, juste après Quiet Riot, on vous rappellera, juste avant de nous dire au revoir, la question, hein, les amis. On va s'écouter Quiet Riot avec Ken Genenoff. C'est le nouveau Quiet Riot avec Ken Genenoff. Alors voilà les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. On vous rappelle oui, juste vite, hein. ouais, on vous rappelle juste que la semaine prochaine Bart, Vaken, Céline, Franck seront Franck présents pour nous parler du Helsine. Yeah. Donc voilà, restez bien à l'écoute la semaine prochaine. On vous rappelle la question pour le concours Slasher. Donc Nickelback a fait la BO de quel film? Voilà. Et vous nous répondez à au mail rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà. Et vous avez jusque vendredi pour nous répondre. On fera un petit tri. Bon, je répète, si vous voulez venir nous dire bonjour en studio, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, porte est grande ouverte. Porte est toujours ouverte et voilà. Voilà. Ouais, allez, nous on se retrouve au Locurse Festen. Hein, oui, tout à fait, dimanche. Hein. Dimanche, et le Slasher, on le retrouve dans deux lundis, pas ce lundi, lundi qui vient, lundi après. Voilà, on va se quitter avec Century of Decay, et on va s'écouter le titre le phare, et je vous dis à lundi. À lundi. Ciao. À dans deux semaines. Ciao.